إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم كان الله ولا مكان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان لا يحويه زمان ولا يحده مكان علم ما كان وما هو كائن وما سيكون ومن لم يكن لو كان كيف يكون وإنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون هو الواحد الذي لا ضد له وهو الصمد الذي لا منازع له وهو الغني الذي لا حاجة له وهو القوي الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء وهو على كل شيء قدير Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous cherchons son assistance et nous implorons son pardon. Et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal qui peut provenir de nous-mêmes et contre le mal qui peut provenir de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne sera point égaré. Et celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. Et je témoigne que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'unique sans associé. C'est le premier que rien n'a précédé. Et le dernier que nul ne succédera. C'est celui qui est au-dessus de tout et rien n'est au-dessus de lui. Et c'est lui qui est plus proche de ses serviteurs que ne l'est leur veine jugulaire. Allah fut avant l'existence de l'endroit. Et Allah ne changea pas de ce qu'il fut. Ni endroit ni temps ne le limite. Il a su ce qu'il fut. Et il a su ce qui est. Et il a su ce qu'il sera. Et il sait ce qui se serait passé si cela ne s'était pas passé. Et lorsqu'il décrète une chose, il n'a qu'à lui dire soit et Allah. C'est lui l'unique qui n'a pas d'opposé. Et le riche qui n'a besoin de rien. Et le puissant que ne vint rien qui se trouve dans les cieux et dans la terre. C'est le premier sans début. Et le dernier sans fin. Et c'est celui qui est capable de toutes choses. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة Et je témoigne que notre prophète Mohammed a son serviteur et son messager, sa créature élue et son bien-aimé privilégié, Il a transmis le message qu'il lui fut confié. Il fut loyal envers ses engagements. Il prodigua de sages conseils à la communauté. Allah éclaira ainsi les ténèbres dans lesquelles les gens erraient, les ténèbres de l'injustice et de l'ignorance. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa atba'ihi wa ala kulli man sara ala darbihi wa stanna bi sunnatihi wa qtafa atharahu ila yawmiddin. Ou Allah, évoque en bien auprès de toi dans les grandes assemblées et préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et accorde ta bénédiction à ton noble messager ainsi qu'à sa famille, ses compagnons, ses bien-aimés et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Ayyuha al-ikhwatul kiram, ceci est notre 31e rencontre parmi les rencontres de cette noble série Silsilatu marahil ad-dar al-akhirah, la série étape vers la demeure dernière, une série qui relate les règles funéraires ahkam al-janaiz et ainsi que les signes de la fin du monde alamatu sa'ati sughra wal-kubra. Et nous avions certes, lors de notre dernier discours, commenté et expliqué un certain nombre de grands signes de la fin du monde, min alamati sa'ati al-kubra. Nous avions parlé d'ad-dukhan, la fumée, et de tulu' al-shams min maghribiha, et du lever du soleil à l'occident, et de dabba, de la bête, et de thalathat al-khusuf, et des trois engloutissements, des trois tremblements de terre. Et ainsi, aujourd'hui, ayyuha al-ikhwatul kiram, par la grâce et le soutien et l'aide d'Allah Jalla wa Ala, nous achèverons et nous finirons les paroles et les propos sur le reste des grands signes de la fin du monde. Et avant de parler de cela, ayyuha al-ikhwa, nous voudrions vous informer que le reste des grands signes de la fin du monde n'auront pas lieu et ne se lèveront pas et ne seront pas vécus par les mouahidoun, les monothéistes, ne seront pas vécus par les croyants al-mu'minoun, ne seront pas vécus par les musulmans al-muslimoun, mais ils seront vécus par ceux qui auront mécru en Allah Azza wa Jal, par ceux qui se seront montrés hypocrites envers Allah Jalla wa Ala, par ceux qui auront associé quelques associés à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et la preuve en est ce que rapporte l'imam muslim dans le long hadith de Nawas ibn Sam'an radiallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit: à ce moment-là, Allah enverra un vent doux qui les portera de dessous de leurs aisselles. Il prendra alors l'âme de tout croyant et de tout musulman. Ne resteront alors que les plus mauvaises personnes. Ne resteront alors que les pires des créatures. Ils se battront alors tels des ânes et tels des zèbres sur terre. C'est sur eux que se lèvera l'heure. C'est sur eux que se lèvera l'heure de la résurrection. Et c'est sur eux que se lèvera l'heure du jour du jugement dernier. Aucun croyant et aucun unificateur et monothéiste mouahid ne restera sur terre et sur la surface de la terre après qu'Allah Jalla wa Ala n'ait envoyé ce vent doux et frais. Et dans le recueil authentique de l'imam muslim, selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit: Allah enverra du Yémen un vent plus doux que la soie, qui ne laissera aucune personne qui aura une graine de foi vivante. Il ne laissera aucune personne possédant une graine de foi dans son cœur vivante. Et dans le recueil authentique de l'imam muslim également, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit: Allah enverra un vent frais venant de la Syrie Hachem, qui ne laissera alors sur terre aucune personne possédant dans son cœur l'équivalent d'un grain de moutarde, de foi ou de bien, même si l'un d'entre vous se réfugiera dans le fond d'une montagne. Ce vent y rentrera et prendra l'âme. Allahu Akbar, ayyuhal ikhwa. Wa sadaqa Allahu fi qawlih. Et Allah a certes été véridique lorsqu'il nous dit aynama takunu yudrikum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fussiez-vous dans des tours imprenables. Ce vent doux et ce vent frais sera envoyé par Allah et Azza wa Jal. Et il circulera et il voyagera selon l'ordre d'Allah Jalla wa Ala. Et il ne laissera alors sur terre aucune personne possédant dans son cœur l'équivalent d'un grain de moutarde, de foi ou de bien. Et si une personne cherche à se réfugier, si une personne cherche à se cacher ou à s'abriter dans le fond d'une montagne ou dans le centre d'une grotte ou d'une caverne, le ventre y rentrera et le vent y rentrera et le vent s'y infiltrera et le vent y pénétrera afin de prendre l'âme et de la rendre à son Seigneur et à son Créateur. فَلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهَ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ. Et la mort n'est pas comme le pensent la plupart des gens. La mort, elle maut. Peut-être un bien en vérité pour un des serviteurs. Si Allah Jalla wa Ala écrit la mort à un de ses serviteurs alors que celui-ci est en train d'effectuer une bonne action et il meurt en étant croyant, Allah Jalla wa Ala lui accordera une demeure meilleure que la sienne. Et une demeure meilleure que la sienne, et une famille meilleure que la sienne, et il aura des degrés meilleurs que ceux qu'il était dans ce bas monde. Ainsi la mort n'est donc pas forcément un mal à la personne. Mais lorsque les gens se sont attachés au bien matériel de ce bas monde, et lorsque les gens se sont accrochés à l'amour de ce bas monde, ad-dunya, ils ont commencé à détester la mort. Et ils ont commencé à détester la rencontre d'Allah, Jalla wa Ala. Et ils ont rempli leurs livres de mauvaises actions, ces livres qui sont devenus obscurs et noirs. Et ils n'ont pas rempli leur vie de ce bas monde d'obéissance à Allah, Jalla wa Ala. Ce vent doux et frais prendra ainsi l'âme de tous ceux qui aura, ne serait-ce que le poids d'un grain de moutarde, de foi ou de bien. Et peut-être que l'élève de sciences religieuses, Talibul Ilm, aura certes remarqué la contradiction dans les textes que nous avons énoncés. Le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit dans le premier hadith que le vent vient du Yémen. Et il nous a dit dans le deuxième hadith qu'il y aura un vent frais venant de la Syrie, Hasham. Ma bihamdillahi azza wa jal, il n'y a pas de contradiction dans la sunnah du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Et on nous a expliqué cela. Al-imam al-safarini rahimahullahu ta'ala nous dit qu'en réalité il y a deux vents. Un vent venant du Yémen et un vent venant de la Syrie. Et ce seront les meilleurs des croyants qui mourront en premier. Celui qui sera le plus pieux, celui qui sera le plus vertueux, mourra le premier. Et la preuve en est ce que rapporte l'imam al-Bukhari. Selon Mardas al-Aslami radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, les plus vertueux mourront en premier. Les plus vertueux mourront en premier. Ils resteront des gens à la valeur du reste des dates. Allah ne les prendra même pas en considération. Les croyants et les musulmans mourront ainsi, ayol ikhwa. Il ne restera alors aucun croyant mu'min, et aucun monothéiste mu'ahid, et aucun musulman muslim sur la surface de la terre. Il n'y aura ainsi ni plus de foi. Il n'y aura plus de foi al-iman. Et il n'y aura pas de livre d'Allah, Al-Qur'an. Il n'y aura pas d'adoration, Al-Ibada, sur la surface de la terre. Regardez ce que nous dit Al-Habib al-Mustafa, alayhi salatu wa salam, dans le hadith rapporté par Al-Imam ibn Majah. Et par Al-Imam al-Hakim, un hadith authentifié par Sheikh al-Albani. Selon Hudayfat ibn al-Yaman, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, nous dit, l'islam s'effilochera comme s'effiloche la vie. C'est-à-dire l'islam s'usera et s'abîmera comme s'abîme et comme s'use la vie. Jusqu'à ce que l'on ne connaisse ni jeûne al-siyam, et ni prière al-salah, et ni pèlerinage al-hajj, et ni don et aumône al-sadaqa. Et le livre d'Allah et Azzawajal sera élevé en une nuit. Il ne restera ainsi aucun verset sur terre. Tu iras ouvrir le livre d'Allah et tu le trouveras alors blanc, vierge, Il n'y aura plus aucune lettre de la parole d'Allah Jalla wa Ala sur la surface de la terre. Fas'alullah Jalla wa Ala qu'il nous fasse mourir avant ce jour. Il ne restera pas un verset sur la surface de la terre. Il ne restera aucune lettre du livre d'Allah Jalla wa Ala. Ce livre sera élevé en une nuit, Allah le retirera. Les pages seront alors blanches. Il n'y aura pas de Qur'an et on ne connaîtra ni prière à salat, et ni jeûne à siyam, et ni pèlerinage, et ni sadaqa, et ni autre chose. Puis Al-Habib al-Mustafa alayhi salat wa salam nous dit, et il restera alors un groupe de personnes. Le vieil homme et la vieille femme diront alors, nous avons trouvé et nos ancêtres dirent la ilaha illallah, et alors nous le disons. Ils diront alors ce témoignage et cette phrase, sans comprendre le sens de la ilaha illallah, sans saisir les conditions de la ilaha illallah, et sans connaître ce qui conclut cette phrase et ce témoignage. Dans le recueil authentique de l'imam muslim, selon Anas radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'heure ne se lèvera pas tant qu'on ne dira plus sur terre Allah, Allah. La terre sera alors pleine de mécréants. Lorsqu'elle mouahidoun et lorsqu'elle muslimoun seront morts par ce vent doux et frais, et lorsque le Coran sera élevé. Et alors viendra le tour de Shaitan. Viendra le tour du diable Shaitan, qui à ce moment-là ordonnera aux gens d'adorer les idoles al-awthan en dehors d'Allah al-wahid al-dayyan. Écoute, ayo al-akh, ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Resteront alors les pires des créatures sur la surface de la terre. Ils seront à la rapidité de l'oiseau dans l'accouplement. Et ils auront comme intelligence celle des bêtes sauvages. Ils seront à la rapidité de l'oiseau dans l'accouplement et dans la désobéissance et les péchés et les turpitudes. Resteront alors les pires des gens et les pires des créatures. Ils se commettront des injustices. Ils n'ordonneront ni bien ni convenable. Et ils n'interdiront ni mal ni blâmable. Et le diable Shaitan prendra l'apparence alors de l'homme, viendra à eux et leur dira alors, ne répondez-vous pas? Et alors ils lui diront, que nous ordonnes-tu? Et alors il leur ordonnera d'adorer Al-Awfan, d'adorer Al-Asnam, en dehors d'Allah, Al-Malikul Allam. Et alors, leur bien deviendra abondant. Et leur vie deviendra agréable. Et le hadith est rapporté dans le recueil authentique de l'imam muslim selon Abdullah ibn Amr radiallahu anhumah. Le diable Shaitan se présentera sous la forme d'un humain, viendra au pire des gens et au pire des créatures, qui s'accoupleront à la vitesse de l'oiseau, et qui auront l'intelligence des bêtes et des bestiaux sauvages. Ils leur viendront en tant qu'un homme sage, puis il leur ordonnera à quoi? Il leur ordonnera d'adorer Allah, al-Wahid al-Qahar, la. Il leur ordonnera d'adorer les statues al-Asnam. Il leur ordonnera d'adorer les idoles al-Awthan, en dehors d'Allah, al-Wahid al-Dayyan. Naam ayo l'ikhwa, car Shaitan le diable est le plus tenace à égarer Benou Adam, est le plus tenace à égarer le fils de Adam, et c'est en fait le pleur plus grand ennemi déclaré. Allah Jalla wa Ala nous dit, wa iyadu'uhum, Allah Jalla wa Ala nous dit, iyadu'una min dounihi illa inathan, wa iyadu'una illa shaytanan maridan la'anahu Allah. Ce ne sont que des femelles qu'ils invoquent en dehors de lui. Et ce n'est qu'un diable rebelle qu'ils invoquent, qu'Allah le maudisse. Et celui-ci a dit, Shaitan a dit, certainement je saisirai parmi tes serviteurs une partie déterminée. فَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّقُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. Certes, je ne manquerai pas de les égarer, et je leur donnerai de faux espoirs, et je leur commanderai, et ils fendront les oreilles aux bestiaux, et je leur ordonnerai, et ils altéreront, et ils changeront la création d'Allah. Et quiconque prend un shaitan pour allier en dehors d'Allah sera certes voué à une perte évidente. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Il leur fait des promesses et il leur donne de faux espoirs, mais Shaitan ne leur fait que des promesses trompeuses. Oulaika ma'wahum jahannam وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا. Voilà ceux dont le refuge sera l'enfer, et ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. Ainsi, ayo al-ikhwa, adorer quelqu'un ou quelque chose en dehors d'Allah, signifie adorer Shaitan en dehors d'Allah. Car Allah Jalla wa Ala nous dit, en s'adressant à Bani Adam, أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمْ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ. Ne vous ai-je pas ordonné, ô fils de Adam, de ne pas adorer Shaitan? أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانِ وَأَنْ اِعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Et ne vous ai-je pas ordonné de m'adorer moi? Tel est le droit chemin. Voilà le droit chemin. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا. Et certes, un grand nombre parmi les créatures, parmi vous, ont été égarés. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. Ne raisonnez-vous donc pas. Et Allah nous dit également, وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. Et le diable, le shaytan, désire les égarer d'un égarement lointain. Ainsi, le shaytan les incitera, et les forcera, et les appellera, et les exhortera, afin d'adorer Al-Asnam, et afin d'adorer Al-Awthan, les statues et les idoles, en dehors d'Allah, Al-Malikul Allam. Et ils répondront à son appel. Et ils répondront à leur appel. Subhanallah al-Azim. Lorsque les gens adoreront les statues en dehors d'Allah, lorsque les gens adoreront les idoles en dehors d'Allah, leur bien deviendra abondant. Leur vie deviendra agréable. Na'am ayol ikhwa. Telle est la règle d'Allah Jalla wa Ala. Telle est la norme d'Allah qui ne se modifie pas et qui ne change pas et qui ne dévie pas. Allah Jalla wa Ala nous dit, وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Jamais tu ne trouveras de changement dans la règle d'Allah. Et jamais tu ne trouveras de déviation dans la règle d'Allah. Ils adoreront les statues en dehors d'Allah, ils adoreront les idoles en dehors d'Allah, leur bien sera alors abondant et leur vie devient alors agréable. Naam, Allah Jalla wa Ala nous dit, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Lorsqu'ils eurent oublié ce qu'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes donnant à toutes choses. Nous leur ouvrîmes les portes donnant leur subsistance. Nous leur ouvrîmes les portes du bien et des dons. Naam. Alors qu'ils sont dans l'association, alors qu'ils sont dans la mécréance, alors qu'ils sont dans leur reniement et de leur ingratitude. Mais telle est la règle d'Allah. Et cette règle, ayyuhal ikhwa, n'est autre que l'istidraj. Le délai. Allah Jalla wa Ala leur accorde un délai dans ce monde. Allah Jalla wa Ala les mène graduellement. وَسَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ. Et je leur accorde un délai, certes mon stratagème est sûr. Dans le Musnad de l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique, selon Uqbata ibn Amir radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, si tu t'aperçois, si tu vois qu'Allah donne et accorde à un de ses serviteurs les biens de cette vie, alors que celui-ci désobéit à Allah, sache alors que c'est un délai. Sache que ceci est al-istidraj. Sache qu'Allah, en fait, le mène graduellement. Puis le prophète, alayhi salatu wa salam, récita la parole d'Allah. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. Puis lorsqu'ils eurent oublié ce que l'on leur avait rappelé, nous leur ouvrîmes les portes donnant à toutes choses. حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا. Et lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce que nous leur avons donné, أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Lorsqu'ils eurent exulté de joie en raison de ce qui leur a été donné, nous les saisîmes soudainement et les voilà alors désespérés. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Et ainsi fut exterminé le dernier reste de ces injustes et toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Leurs biens deviendront alors abondants et leur vie deviendra alors agréable. Et ils penseront alors, et ils croiront alors qu'ils sont dans la vérité, mais ils ont oublié qu'Allah leur accorde en réalité un délai, et qu'Allah en fait le mène graduellement, et qu'il ne les oubliera pas. Dans les deux recueils authentiques, selon Abi Moussa al-Ash'ari radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, Allah emplit certes l'injuste, Allah comble l'injuste de bienfaits, jusqu'à ce qu'il le prenne, jusqu'à ce qu'il l'attrape, il ne le manquera pas. Puis le prophète alayhi salatu wa salam récita la parole d'Allah suivante: وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. Et c'est ainsi la prise de ton Seigneur. Lorsque celui-ci prend la ville injuste, certes sa prise est douloureuse et violente. Alors ayu al-akh, si tu vois un mécréant en Allah, si tu vois un polythéiste en Allah, si tu vois un injuste ou un tyran plongé dans les bienfaits d'Allah et Azza wa Jal, nuit et jour, alors qu'il persiste dans sa mécréance, alors qu'il reste dans son injustice, alors qu'il reste dans son polythéisme, sache qu'Allah Jalla wa Ala lui accorde un délai. Sache qu'Allah Jalla wa Ala le mène graduellement. Car certains désobéissants, et certains mécréants, et certains polythéistes sont plongés dans les bienfaits d'Allah et Azza wa Jal. Et ils pensent qu'Allah Jalla wa Ala est satisfait d'eux. Ils sont plongés dans les bienfaits, et ils font ce qu'ils font, et ils commettent ce qu'ils commettent, et ils pensent être dans la vérité. Et ils pensent qu'ils ont eu tout ce bien, car ils sont dans la vérité. Comme Qarun a dit, La'anahullah, Allah Jalla wa Ala nous dit, قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي. Il dit, c'est par une science que je possède que ceci m'est venu. أَوَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونَ مِنَ الْقُرُونَ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ. Ne savait-il pas qu'avant lui, Allah a fait périr des générations supérieures à lui en force et en richesse et en bien, et les criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés. Et wallah, le prophète, alayhi salatu wa salam, ayyuha al-ikhwa, nous a même informé qu'Allat ou al-Uzza seront de nouveau adorés dans ce temps. Fala ilaha illallah, Allat ou al-Uzza seront adorés. Na'am, ayyuha al-ikhwa. Écoutez, al-imam muslim rapporte selon Aisha radiallahu anha, que le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, la nuit et le jour ne partiront pas sans qu'Allat ou al-Uzza ne soient de nouveau adorés. Et alors Aisha radiallahu anha questionna le prophète alayhi salatu wa salam et lui dit, ya Rasulallah, je pensais que lorsque le verset d'Allah jalla wa ala qui nous dit هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et avec la religion de vérité pour la faire triompher sur toute autre religion en dépit des associateurs. Je pensais que ce verset qui a été descendu, lorsqu'il fut descendu, ce serait pour toujours. Et alors le prophète alayhi salatu wa salam lui dit, oui, ce sera le cas, le temps qu'Allah voudra. Puis Allah enverra un vent doux, il fera alors mourir tout ce qu'il y a dans son cœur, le poids d'un grain de moutarde de foi, et restera alors les pires des gens qui reviendront à la religion de leurs ancêtres. Restera alors les pires des créatures qui reviendront à la religion de leurs ancêtres. Al-Lat ou Al-Uzza seront alors de nouveau adorés en dehors d'Allah, Al-Wahid Al-Ahad. Et Allah, le prophète, alayhi salatu wa salam, ayyuhal ikhwa. Et nous sommes en train de parler des derniers jours de ce bas monde ad-dunya et du reste des signes de la fin du monde. Le prophète alayhi salatu wa salam a informé que le polythéisme deviendra une chose courante, deviendra une chose banale et touchera tout le monde au point où les gens se rassembleront autour des statues et autour des idoles comme se rassemble al-muwahhidoun autour de Baytul Haram. Comme ceci a été cité dans les deux recueils authentiques. Selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, l'heure ne se lèvera pas sans que le postérieur des femmes de Daous, une ville parmi les Arabes, sans que le postérieur des femmes de Daous soit rassemblé autour de Dhul Khalasa. Et Dhul Khalasa était une statue qui était adorée par les gens de Daous. Le polythéisme deviendra alors une chose courante. Le polythéisme deviendra une chose banale, ainsi que la mécréance, augmentera ainsi le reniement, s'accroîtra ainsi la gratitude. Aïn al-Muslimoun, où seront les musulmans, ils seront morts. Aïn al-Muwahhidoun, où seront les monothéistes, Allah les aura fait mourir. Aïn al-Masajid, où seront les mosquées, Allah aura fait mourir les prières. Aïn al-Du'ata wal-Ulama, où seront les savants et les prêcheurs, Allah les aura fait mourir. Et à ce moment, ayyuha al-Ikhwa, un signe étonnant, et un signe étrange, et Allah surviendra, sera détruite Al-Ka'ba. Al-Ka'ba sera cassée et détruite. Écoute, ayyuha al-Ikhwa, dans le Mousnad de l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique selon Abi Hurayrata radiallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, et ne détruiront cette mosquée que leurs possesseurs, s'ils la détruisent, ne questionne pas et ne te demande pas au sujet de l'anéantissement des Arabes. Les Noirs viendront et la détruiront, personne n'y habitera après, et c'est eux qui feront sortir son trésor. Et wallah, as-sadiq al-masduq, alladhi la yantiqu 'anil hawa, celui qui ne parle pas sous l'effet de la passion, nous a informé sur le nom de celui qui cassera Al-Ka'ba, et même sur ses caractéristiques physiques avec détail, comme s'il le voyait, alayhi salatu wassalam. Fassallu ala al-habib al-mustafa. Al-imam Ahmed rapporte dans son musnad, avec une chaîne de transmission authentique selon Abdullah ibn Amr ibn radiyallahu anhuma. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous dit, détruira Al-Ka'ba dhus-suwayqatayn, celui aux jambes fines parmi les noirs. Il s'emparera et il volera son trésor, il enlèvera ses tissus, c'est comme si je le voyais. Sallallahu alayhi wa sallam. Kassera Al-Ka'ba, dhul suwayqatayn, la'anahu Allah. Il kassera Al-Ka'ba comme a voulu faire son ancêtre Abraha Al-Habashi. Kassera Al-Ka'ba, dhul suwayqatayn. Pourquoi fut-il nommé ainsi? Car il possède deux jambes fines. Détruira Al-Ka'ba, dhul suwayqatayn, et il volera son trésor, il partira avec sa porte en or. Al-Habib, alayhi salatu wassalam, nous dit, c'est comme si je le voyais chauve, aux mains tordues. Il cassera Al-Ka'ba pierre par pierre, alors que c'est Baytullah al-Atiq. Al-Ka'ba, ayu al-Ikhwa, sera détruite, alors que c'est notre direction lors de chaque prière. Al-Ka'ba sera détruite, alors que c'est la direction de nos pensées dans chaque prière et à chaque moment et à chaque lieu. Elle sera détruite, ayu al-Ikhwa. Alors qu'Allah Jalla wa Ala l'a décrit dans son livre sacré par le biais d'Ibrahim alayhi salam, Allah nous dit, فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens. Et Allah nous dit également, وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Et rappelle-toi, lorsque nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens, adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Ibrahim se tint debout. Lorsque nous fîmes de la maison un lieu de visite pour les gens, les savants ont dit que cela signifie qu'une personne accomplissant Al-Umrah ou bien Al-Hajj ne retournera pas dans son pays sans qu'elle ne désire y retourner. Al-Ka'ba ayu al-Ikhwa sera détruite, sera anéanti, sera cassé par de souhaitatayn, ce vil habashi. Mais Allah ne lui enverra pas tayran ababil, des oiseaux par voler. Allah ne lui enverra pas hijaratan min sijil, des pierres d'argile. Allah ne le prendra pas et Allah ne l'empêchera pas, mais Allah le laissera ainsi. Une sagesse de la part d'Allah al-Alim al-Hakim. Écoute, ayu al-akh, al-imam al-Tirmidhi nous rapporte un hadith authentifié par Sheikh al-Albani. Selon Abi Saïd al-Khudri radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'heure ne se lèvera pas jusqu'à ce que l'on ne fasse plus al-hajj. Jusqu'à ce que l'on n'accomplisse plus le pèlerinage. Naam, il n'y aura plus de hajj, il n'y aura plus de umrah, car les musulmans al-muslimoun seront morts et auront disparu de la surface de la terre. Il ne restera sur terre aucun mu'min. Aucun croyant. Et à ce moment-là, lorsque le polythéisme, lorsque la mécréance deviendront courants et deviendront banaux, et lorsque le dogme et la croyance et l'aqida de ces gens deviendra mauvaise, le comportement le deviendra aussitôt. Na'am ayyuhal ikhwa. Car lorsque tu remarques que le désordre se trouve dans un pays, lorsque tu remarques l'insécurité dans un pays, sache alors que sa croyance et sa aqida est mauvaise. Car le polythéisme est la base de tout mal. Regardez ce qu'Allah nous dit. Inna alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru et qui n'ont pas troublé leur foi de quelque association, ils auront la sécurité. Ils seront dans la sécurité et ils seront les bien guidés. Ainsi, ils n'auront pas troublé la pureté de leur foi avec quelque association et ils seront alors dans la sécurité dans la vie de ce bas monde et de l'au-delà. C'est pour cela que si tu trouves un pays où le mal est abondant, si tu trouves un pays où l'insécurité est abondante, sache que le polythéisme et la mécréance sont des choses courantes dans ce pays. Sache que le polythéisme et la mécréance sont des choses courantes et sache également que la peur est une chose courante. Naam. Ils sont en sécurité dans cette vie, dans l'au-delà. Ils sont ainsi en insécurité dans la vie de ce bas monde et dans l'au-delà. Inna alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm Oulaïka lahum al-amn wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru et qui n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque association, ceux-là auront la sécurité, ce sont eux les bien guidés. Car ayu al-ikhwatul kiram, la mauvaise aqidah, la mauvaise croyance et le mauvais dogme entraîne un mauvais comportement et entraîne de mauvaises attitudes, comme dans le hadith d'An-Nawas ibn Sam'an, qu'on a cité plus tôt, qui était dans le recueil authentique de l'imam muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, resteront alors que les mauvaises personnes, resteront alors que les pires des créatures, ils se battront tels les ânes et tels les ânes et tels les zèbres. C'est sur eux que se lèvera l'heure. C'est sur eux que se lèvera l'heure de la résurrection. C'est sur eux que se lèvera l'heure du jour du jugement dernier. Les mauvaises personnes alors, sur la surface de la terre, s'accoupleront comme s'accoupleront les ânes. L'homme s'accouplera avec la femme, devant les gens, et au regard des gens, et à l'écoute des gens, resteront les mauvaises personnes et les mauvaises créatures qui s'accoupleront telles les bestiaux. Et wallah, ayyou l'ikhwa. Dans le Mustadrak de l'imam al-Hakim, se trouve un hadith authentifié par Sheikh al-Albani, selon Abi Huraira, radiallahu an, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, nous dit, jusqu'au point où l'homme allongera la femme sur la route et la couplera. Et le meilleur d'entre eux, c'est-à-dire celui qui aurait le meilleur comportement parmi eux, parmi toutes les créatures sur terre, le verra alors, ira le voir et lui dira, si seulement tu faisais cela derrière un mur. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il sera ainsi d'accord avec leur fornication, il sera ainsi d'accord avec leur turpitude, il sera ainsi d'accord avec leur péché, mais il leur demandera juste de se cacher derrière un mur. La fornication se fera alors souvent, en public, tel des bestiaux, le polythéisme sera également abondant, et c'est sur eux que l'heure se lèvera. C'est sur eux que le jour du jugement dernier aura lieu, car les gens auront été mécréants, et car ils n'auront pas cru en Allah, et car ils n'ont pas cru au jour du jugement dernier, ils n'auront ordonné ni bien ni convenable, et ils n'auront interdit ni mal ni blâmable. Ils adoreront les statues al-awthan ou al-asnam, en dehors d'Allah al-wahid al-dayyan, ils couperont les liens de parenté al-arham, ils boiront l'alcool al-khumour, c'est sur eux que se lèvera l'heure. C'est sur eux que le jour du jugement dernier aura lieu, ce jour terrible, cette arrivée terrible et ce jour atroce. Et avant l'arrivée de l'heure, ayyou al-ikhwa, un dernier signe parmi les grands signes de la fin du monde, et c'est certes la sortie du feu provenant du Yémen, afin de pousser et afin de chasser les gens vers le lieu de rassemblement. As'alullah jalla wa ala an yarzuqana al-ikhlas wa al-sawab. Et en tenant ces propos, j'implore son pardon pour moi ainsi que pour vous. Alhamdulillahi wahda. Wa salatu wa salamu ala man la nabiya ba'dah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله. Il nous reste ainsi nos propos et nos paroles sur le dernier grand signe de la fin du monde, qui n'est autre que la sortie de ce feu venant du Yémen, comme il nous a été cité dans le recueil authentique de l'imam muslim, selon Hudayfa ibn Asid al-Ighifari radiallahu anhu, qui nous dit, wa narun takhruju min al-Yaman wa tatrudu an-nas ila mahsharihim. Et un feu qui sortira du Yémen et qui chassera les gens vers leur lieu de rassemblement. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous a même informé de la ville d'où sortira ce feu, au Yémen, comme il a été cité dans le recueil authentique de l'imam muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, un feu sortira du fond de Aden, qui poussera les gens. Aden, une ville connue du Yémen. Et nous ne savons pas si c'est un volcan, ou bien si c'est un vent qui sortira de la mer. Nous ne savons pas cela, car ce qui est rapporté n'est pas authentique. Et ce feu sortira, comme nous a informé Al-Habib al-Mustafa alayhi salatu wa sallam, selon Abdullah ibn Amr radiallahu anhu. Il nous dit, un feu sortira de Hadramaut avant le jour du jugement. Il rassemblera les gens. Les gens diront, les compagnons diront alors au prophète alayhi salat wa salam, ya Rasulallah, que nous constitue alors? Et il répondit alayhi salat wa salam, allez alors en Syrie. Et ceci est valable, s'il restait des musulmans. Mais nous avons dit qu'avant cela, il n'y restera aucun musulman. Et le prophète, alayhi salat wa salam, a dit cela dans la probabilité qu'il reste des musulmans, qu'il serait mieux pour eux d'aller en Syrie. Ainsi, il n'y a aucune contradiction. Bihamdillahi azza wa jal. Ce feu sortira, et ce feu rassemblera les gens, et ce feu poussera et chassera les gens vers leur lieu de rassemblement. Comment les poussera-t-il? Écoute. Dans les deux recueils authentiques de l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam nous dit, les gens seront rassemblés selon trois catégories. Les gens seront rassemblés selon trois catégories. La première, ils seront désireux et effrayés. La deuxième, il y aura deux personnes sur un chameau, ou trois personnes sur un chameau, quatre personnes sur un chameau, dix personnes sur un chameau. Et la troisième sera avec le feu. Le feu restera avec eux dans la journée, lors de leur sommeil, lors de la nuit, lors de leur matinée et dans la soirée. والإمام الخطابي والإمام الطيبي والإمام النووي والإمام القرطبي والقاضي عياض والحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر رحمهم الله nous disent et nous affirment que le rassemblement des gens avec ce feu sera avant le jour du jugement dernier, juste avant qu'Allah Jalla wa Ala n'ordonne à Israfil alayhi salam de souffler et de créer le souffle du sursaut et de la peur, nafratul faza. Ce sera ainsi dans ce bas monde. Et ce sera le dernier signe de la fin du monde. Les gens seront rassemblés en trois catégories. Et nous en venons à l'explication du hadith. Trois catégories. La première, ils seront désireux et effrayés. Désireux de s'en tirer et de s'en échapper de ce feu. Désireux de s'enfuir de ce feu. Mais effrayés également par la chaleur de ce feu. Telle est la première catégorie. Un feu sortant du fond de Aden, qui les rassemblera et qui les poussera. Malgré les continents qui les séparent, malgré leur lointain pays, le feu les rassemblera. Première catégorie, ceux qui seront désireux et effrayés. Deuxième catégorie, deux personnes sur un chameau, trois personnes sur un chameau, quatre personnes sur un chameau, dix personnes sur un chameau. Et cette catégorie, quelquefois marchera, quelquefois montera sur le chameau. Ainsi, les gens se partagera leur chameau. Les gens se partageront leur chameau. Deux personnes se partageront un chameau, ou bien trois personnes, ou bien quatre personnes, ou bien dix personnes. Et la dernière catégorie concernera celui qui ne possédera pas de chameau. Celui qui ne possédera aucun moyen de transport. Car ayyuha al-ikhwa, le feu l'atteindra. Car à ce moment-là, il n'y aura ni voiture, ni train, ni moyen de transport, ni avion ne seront plus disponibles. Cette technologie, comme nous l'avons dit, disparaîtra. Cette technologie qui a enlevé et qui a élevé, et qui a soi-disant honoré la raison et les esprits des humains, elle sera anéantie le jour du jugement dernier. Et ainsi, le reste des hommes seront pris par le feu, car ils n'auront pas de moyen de se déplacer. Ce feu restera avec eux la journée, ainsi que lors de leur sommeil, ainsi que lors de leur nuit, ainsi que la matinée, ainsi que la soirée. Il ne les lâchera pas, et il ne se séparera pas d'eux, et il ne les laissera pas profiter ni de leur nourriture, ni de leur sommeil, ni de leur boisson, il restera avec eux où qu'ils soient. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit également, vous serez rassemblés à pied ou sur une monture, et vous serez jetés sur vos visages. Et il montra la Syrie. Vous serez jetés sur vos visages, et il montra la Syrie, là-bas. Et le hadith a été cité dans la Mustadrak de l'imam al-Hakim, et c'est un hadith authentifié par Sheikh al-Albani. Les gens seront ainsi rassemblés à Yal-Yirwa. Selon ces catégories. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed, avec une chaîne de transmission authentique, selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, il nous dit, il y aura une migration après une autre, en Syrie. Le reste sera pris par le feu. Le reste sera pris par le feu, en compagnie des singes et des porcs. Il sera avec eux lors de leur journée, et il sera avec eux lors de leur sommeil et la nuit. Et wallah, le prophète alayhi salat wa salam nous a certes informé, et alhamdulillah, par la grâce d'Allah jalla wa ala, notre religion est détaillée. Tout est à sa place, il nous reste juste à expliquer. Le prophète alayhi salat wa salam nous a même informé sur le dernier qui sera rassemblé par le feu, et chassé par le feu, et poussé par ce feu vers leur lieu de rassemblement, comme il a été cité dans les deux recueils authentiques. Ce qui a été cité dans les deux recueils authentiques selon Abi Hurayra radiallahu anhu, Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, et le dernier qui sera rassemblé par ce feu, deux bergers de Mazina, un village arabe, ils s'attacheront alors à leur bétail. Mais ils le trouveront excité. Arrivés à un chemin, ils tomberont sur leur visage. Ils tomberont sur leur visage. C'est comme cela, ayol ikhwatul kiram. C'est comme cela, ayol ahibatu fillah. C'est comme cela, ayol muslimoun. Que se terminent les grands signes de la fin du monde. Alamatu sa'atil kubra. Et ainsi, le jour du jugement est tout près d'arriver. Et l'heure de la résurrection est tout près de se lever. Et entre le jour du jugement et ces personnes, deux portées d'arc, ou plus près encore. Et lorsqu'Allah Jalla wa Ala ordonnera à Israfil alayhi salam de souffler dans la corne le souffle du sursaut et de la peur, nefratul faza, ce sera alors le commencement du jour du jugement dernier. L'heure du jour du jugement dernier se lèvera. L'heure de la résurrection se lèvera. Et avec ces signes, la fin de ce bas monde est arrivée. Le bas monde, ayyuhal ikhwa, disparaîtra. Le bas monde, ayyuhal ikhwa, s'anéantira. Les jours seront terminés. Ce bas monde est terminé, ayyuhal ikhwa. Ce bas monde qui fut long pour beaucoup de personnes, mais qui en vérité est court auprès d'Allah. Ce bas monde qui a pris de l'ampleur dans le cœur des musulmans et des non-musulmans, mais qui en vérité est ridicule et misérable auprès d'Allah, Jalla wa Ala. La vie des riches et des opulents se termine. La vie des injustes et des transgresseurs et des tyrans s'achève. La vie des pécheurs et des désobéissants se termine. Afin que se lève l'heure, et afin qu'ait lieu ce grand jour, et afin que se lève cet énorme jour, cet effroyable jour, يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, le jour où les gens se présenteront debout devant le Seigneur de l'univers. Ainsi tout ce que vous avez attendu, ayol ikhwatul kiram, ne sont autres que des petits et des grands signes de la fin du monde, alamatu sa'ati sughra wal kubra, qui ne sont autres et qui ne seront que l'introduction de ce jour. Que l'introduction de ce jour promis. Inna wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. Certes, la promesse d'Allah est vérité, alors que la vie de ce bas monde ne vous trompe pas, et que ne vous trompe pas le trompeur, c'est-à-dire le shaytan. Ainsi, ayyuhal ikhwatul kiram, comment se lèvera l'heure? Comment aura lieu le jour du jugement dernier? Comment Israfil alayhi salam soufflera dans la corne pour souffler ce souffle de sursaut et de peur, nefratul faza? La réponse, ayyuhal ikhwa, lors de nos prochains discours, la semaine prochaine, بإذن الله عز وجل, فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص والصواب في القول والعمل وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Je demande à Allah جل وعلا par ses noms parfaits, ses attributs sublimes, qu'il fasse que l'on soit parmi les doués d'intelligence et ceux qui suivent la parole et qui tiennent ce qu'elle contient de meilleur. Ceux-là sont les doués d'intelligence, et ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés. Je lui demande qu'il nous accorde la guider, qu'il nous guide vers la vérité, qu'il nous accorde la sincérité dans nos paroles et nos actions, et qu'il nous prête vie, et qu'il nous accorde notre rencontre lors de nos prochains discours. إِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ. Lui seul en a la capacité, le pouvoir, et je tiens à préciser par la même occasion que toute parole véridique de ce prêche ne peut provenir que d'Allah seul, et que toute erreur ou oubli ou omission ne peut provenir que de moi ou de Shaytan. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il évoque en bien dans ses grandes assemblées, qu'il évoque en bien dans ses grandes assemblées auprès de lui, et qu'il préserve de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà, et qu'il accorde sa bénédiction à son noble messager, ainsi qu'à ses bien-aimés, ses compagnons, sa famille et tous ceux qui suivent son chemin jusqu'au jour dernier. Et notre dernière invocation est que toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.